ne traite que la mort. Il n'y a qu'une altitude, celle de la solitude. Faut-il qu'il y ait de l'intelligence dans ces sociétés à l'écran? Triste.